Je vais à Yverdon, j'achète un petit cochon. Je le mets dans mon chapeau, il avait bien trop chaud. Je le mets dans mes souliers, il est bien trop serré. Je le mets dedans ma hotte, il boulotte mes carottes. Je vais à Yverdon, j'achète un petit cochon. Je le mets dans mon chapeau, il avait bien trop chaud. Je le mets dans mes souliers, il est bien trop serré. Je le mets dedans ma robe, il boulotte mes carottes.